Donc maintenant, on va accueillir Marie de la commission Prison par terre pour parler du droit du travail en prison. Marie. Hello. Ah, Marie. Je passe juste la parole à Flora avant pour qu'elle présente la commission prison en fait. Bonjour tout le monde. Alors, je fais partie de la commission Prison par terre. Alors, pour l'instant, on a rédigé quelques tracts pour expliquer un peu ce qui est la prison. Et on a fait plusieurs actions en solidarité avec les femmes de Fleury-Mérogis qui sont en lutte depuis le 9 avril. On est aussi en contact avec des prisonnières de la maison d'arrêt des Fresnes. Et on se réunit tous les lundis et jeudis à 19h à côté des statues. Alors, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions sur la prison, si vous avez des curiosités ou si vous voulez participer à notre commission. Bah, tout le monde est bienvenu. Venez vous asseoir, hein, vraiment, là, il y a de la place. Ça se libère, installez-vous. Merci. Et alors, moi aussi. Merci. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Marie. Là, j'interviens dans le cadre de la commission prison, mais... Au-delà de ça, sinon je travaille dans une association qui s'appelle l'Observatoire international des prisons section française, qui est une association de défense des droits de l'homme en prison et qui par ailleurs milite pour un moindre recours à l'emprisonnement. Donc là le sujet c'est le travail en prison. Je vais essayer de ne pas être trop technique ou trop longue, mais dans un premier temps pour engager la discussion, c'est ce que je voulais faire, c'était vous dresser une sorte de panorama général en fait des conditions de travail en prison. Et pour ça, je vais être un peu obligée de passer par un détour historique. En fait, le travail en prison est consubstantiel à la naissance de la prison. Dès 1791, le travail en prison est obligatoire et fait partie de la peine. Pour trouver toutes les justifications qui sont aujourd'hui données, en fait, pardon, mais depuis une loi de 1987, ça a été détaché de la peine et c'est censé être un droit. En réalité, on n'a modifié ni le régime juridique, ni les justifications qui plaident pour le travail en prison. Au départ, c'était lutter contre l'oisiveté, mère de tous les vices, etc. Il y a au-delà de ça, ce que ça cachait derrière, c'est que plus les détenus sont occupés, plus ils sont calmes. Il y a moins d'incidents en détention, donc la démarche a toujours été d'essayer de les occuper le plus possible. L'autre, donc ça c'est la logique d'ordre public, et derrière il y a toujours eu des intérêts économiques qui étaient que si les détenus travaillent en prison, donc ils ont une source de revenus et ils participent aux frais de détention. On prélevait une partie sur leur salaire et l'idée c'était qu'on leur donnait que du pain et de l'eau et que tous les agréments après c'était sur le produit du travail. Avec derrière... des entreprises, dès le départ, c'était un système d'adjudication, c'est-à-dire on mettait à disposition d'entreprises la main-d'œuvre pénale et les entreprises se profitaient du fruit travail des détenus. Si je passe par ce détour-là, c'est que paradoxalement, en fait, quand le travail était obligatoire et faisait partie intégrante de la peine, et au 19e, finalement, les conditions de travail, et les conditions juridiques, en fait, étaient meilleures qu'aujourd'hui. Parce que il y avait à l'époque la nature des travaux qui étaient effectués étaient les mêmes qu'à l'extérieur et pour des principes de favoriser la libre concurrence, en fait les détenus avaient les mêmes conditions de travail et les mêmes rémunérations que les ouvriers libres. Aujourd'hui, il y a eu un décrochage complet et un autre truc qui est peu connu, c'est que finalement même les prémices en fait de l'organisation du travail et des premiers droits, finalement, va arriver en prison parce qu'à cette époque, l'État veut pas qu'il y ait de conflit, en fait, enfin, veut garantir la libre concurrence, donc va encadrer, en fait, l'activité des entreprises en prison pour garantir certains droits aux personnes détenues. Depuis, il y a un décrochage complet et depuis que le travail est devenu un droit, finalement, la situation est pire. Les travaux qui sont réalisés en prison, donc ils sont réalisés soit pour le compte d'entreprises privées, à peu près pour moitié, soit pour le compte de l'administration pénitentiaire elle-même. Donc c'est entreprises privées, c'est des ateliers de production et pour le reste, c'est des travaux, en fait, les détenus participent au bon fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire livrer les repas, la buanderie, nettoyer les coursives, etc. L'autre chose qui est finalement en général peu connue, c'est que quand ils travaillent pour des entreprises privées aujourd'hui, les conditions sont un peu meilleures que quand ils travaillent pour le compte de l'administration pénitentiaire. Celle qui en profite le plus, c'est l'administration pénitentiaire au niveau des rémunérations. On est sur un système théorique depuis 2009, où un taux horaire de rémunération a été indexé sur le SMIC a été reconnu. Donc qui est au mieux 45% du SMIC horaire brut, ce qui fait à peu près 3,10 €. Et pour le compte de l'administration pénitentiaire, c'est des tarifs qui sont compris en théorie entre 33% du SMIC horaire brut et 20%. Quand on est sur 20%, on est, je vérifie, mais 1,40 € à peu près de l'heure. Et malgré tout, cette loi, depuis 2009, elle est pas appliquée. Donc quand ils travaillent pour les entreprises, ils sont payés à la pièce, avec aucun droit de regard sur le tarif de la pièce. Et pour l'administration pénitentiaire, alors que là, il n'y a aucun blocage, en fait, elle continue de pratiquer un système de tarifs journaliers, en fait, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Et c'est elle qui détermine, en fait, quand je vous disais, c'est 33, 25 et 20%, ça s'appelle des classes, ils font classe 1, 2, 3, en théorie, selon la technicité des travaux. En fait, comme ils ont la mainmise complète, c'est eux qui déterminent globalement combien ils vont payer les détenus, quoi. Ils peuvent, et donc majoritairement, c'est la classe la plus basse qui est la plus représentée. Au niveau du droit, on est pas de contrat de travail. Donc une application totale du droit du travail. Les dispositions qu'encadrent, elles sont contenues dans un article de loi. Qui dit que les détenus bénéficient d'un acte d'engagement, déterminé unilatéralement par l'administration pénitentiaire, et finalement on laisse soin au directeur des établissements pénitentiaires de définir l'entièreté des conditions de travail. Juridiquement, il n'y a que ça. Après, il y a quelques règles qu'encadrent, mais en termes de protection sociale, et plutôt pour exclure tous les droits. Donc quand il y a des chômage technique, évidemment, n'est pas indemnisé, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas d'indemnité journalière. Pareil en cas d'accident du travail, sauf si il y a une invalidité permanente. Là, il y a une minuscule rente. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Évidemment, pas de congés payés. Pas d'encadrement de la durée du travail. Il y a des règles. Alors, sont censés travailler selon les mêmes conditions qu'à l'extérieur. Mais bon, ça n'a aucun pouvoir. Et en réalité, quand ils travaillent pour le compte d'entreprises privées, c'est un laboratoire de flexibilité, en fait. Les entreprises peuvent arriver à tout moment en disant on a besoin de tant de personnes. Donc là, je vais être plus clair. En fait, généralement, il y a un noyau dur de travailleurs et ensuite, il y a toute une nébuleuse autour de personnes qui sont dites classées sur les listes des effectifs, mais qui ne savent jamais chaque matin s'ils vont être appelés au travail. Donc, il n'y a aucune garantie. La majorité, c'est cette nébuleuse. Ils peuvent être appelés du jour au lendemain. Il y en a qui vont bosser 5 heures par mois, d'autres pas. Et pendant ce temps-là, ils bénéficient d'aucune aide. Et chaque matin, ils doivent être levés à 7 heures et être prêts à aller au travail, même si au final, ils ne seront jamais appelés. C'est variable selon les... Mais en tout cas, l'idée, il faut être prêt le matin... Quand ils travaillent pour le compte de l'administration pénitentiaire, c'est plus stable, plus fixe. C'est des horaires, mais par contre, on peut leur rallonger à la fois les tâches qu'ils vont devoir réaliser et le nombre d'heures à réaliser sans qu'ils puissent rien dire. Et avec parfois même, on a encore des systèmes où ils sont pas payés ou alors on leur donne quelques avantages matériels, mais. Pareil, encore une fois, en dehors de tout cadre légal. Et là où ils s'en sortent, donc il y a quelques droits qui sont garantis. Nous, on peut les aider même à avoir à appliquer le taux horaire de rémunération. Le problème, c'est qu'ils sont dans une situation où, comme il faut de l'argent pour vivre en détention, à peu près 200 à 300 euros par mois, juste pour le minimum. La crainte, c'est que s'ils font des recours, en fait, ils soient déclassés, qu'ils n'aient plus la possibilité de travailler. Donc, en général, ils hésitent. Et c'est normal, et même ceux qui exercent les recours, derrière, il peut y avoir des mesures. Ou même, il y a eu des cas là où des règles de Alors ça, c'est les seules règles du code du travail qui sont censées s'appliquer, les règles d'hygiène et de sécurité. Mais pareil, c'est une théorie et puis l'inspection du travail ne vient pas. Les détenus peuvent écrire, mais alors c'est le courrier est lu. Donc l'administration pénitentiaire le sait. On a déjà vu des cas où ils s'étaient plaints et du coup, pareil, on les prive en fait de leur emploi par la suite. Je me suis perdue. Donc voilà pourquoi il y a peu de recours, peu de mouvements aussi à l'intérieur. Alors finalement, les mouvements de résistance, ils sont plutôt pour essayer de freiner les productions et de freiner les cadences, etc. Mais généralement, ça n'a pas un impact énorme. Voilà, et c'est pour ça que donc l'OIP en fait avait fait deux types de recours, en fait d'essayer de saisir le Conseil constitutionnel et de mettre en avant que tout ce régime-là était anticonstitutionnel. La première fois, c'était pas exactement l'initiative, on s'est joint à la procédure et c'était de contester la disposition qu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc ça, c'était en juin 2013. On a perdu. Le Conseil mettant en avant et à peu près à juste titre, que c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat de travail que, par ailleurs, les droits fondamentaux ne seraient pas garantis. C'est par exemple le régime des fonctionnaires. Ils travaillent en dehors d'un contrat de travail. Du coup, ce qu'on a fait la deuxième fois, c'est qu'on a attaqué la disposition, la seule, je vous disais, l'acte d'engagement qui laisse tout pouvoir à l'administration pénitentiaire. En mettant en avant, alors là c'est un peu technique, c'est l'incompétence négative, c'est-à-dire en fait quand il y a une restriction des droits fondamentaux, ça peut être que le fait du législateur. Et là en fait c'était fait par décret et en plus en laissant l'administration pénitentiaire le faire. On a perdu aussi, mais finalement pas tellement pour des raisons juridiques, hein, c'était des raisons plutôt politiques. Et même quand on avait... on a eu vent des débats qui avaient... Donc ça s'était joué à une voix, et que finalement l'argumentation c'était que si on cassait le régime, ça allait faire progresser le FN. Voilà le cadre. Je sais pas, j'ai pas trop vous laisser la parole. Merci. Il y a des questions? Quelqu'un veut poser une question? Ouais. Je crois que tu avais commencé en disant qu'il y avait un mouvement de lutte et du coup, je sais pas, il y a un droit de grève et il n'y a pas de droit de grève. Et il y a des luttes quand même aujourd'hui et comment ça se passe? Alors il n'y a aucun, ni droit... Pardon? Ouais. Alors dans l'ordre, non, aucun droit de grève, aucun droit d'expression collective, aucun droit syndical, rien. Et aujourd'hui, même dans la réglementation, même signer une lettre à plusieurs ou une pétition, c'est passible de sanctions disciplinaires. Donc voilà. Et donc les mouvements, en fait, non, ils se passent plutôt. Il y a un autre problème, c'est que comme il y a très peu de... Enfin, l'offre de travail diminue. Elle diminue parce que même si c'est super avantageux pour les entreprises, les types de production qui sont faites dedans. Font que soit généralement les entreprises automatisées en fait les productions. Ah oui, je vous ai pas dit en fait. Ça va être du triage d'oignons, faire des trombones, des prospectus publicitaires. Enfin, on est sur de l'industrie de main d'œuvre. Donc en général, soit ça a été automatisé, soit c'est plus avantageux de délocaliser parce que faire venir les camions, etc. Enfin, il y a plein de problèmes de sécurité en fait qui fait que c'est un peu moins avantageux pour les entreprises. Donc l'offre de travail diminue. Et du coup, il y a une bonne part des détenus qui ne bougent pas parce que finalement, avoir une source de revenus est tellement essentiel en détention que voilà, ça... Et les autres, c'est soit... ça peut être des mouvements collectifs, mais ils les payent. Donc finalement, très peu de lutte à ce niveau-là. Et sinon, c'est dans les rapports avec les entreprises privées. Par exemple, le prix à la pièce est vraiment trop bas... il va y avoir des contestations, ils vont bloquer un peu les productions, les cadences. Et après, ça se joue. Finalement, pour l'administration pénitentiaire, elle n'a pas intérêt en fait à ce qu'il y ait trop de mouvements. Donc parfois, quand vraiment il y a des abus dans les... Enfin, des abus. Vraiment, vraiment. Ils vont intervenir auprès des entreprises privées pour essayer de faire augmenter le prix à la pièce ou régler les difficultés pour éviter un mouvement. Ça joue en fait à chaque fois dans la action entre les intérêts économiques et l'intérêt de l'administration pénitentiaire. Et après, les quelques autres formes, c'est sur une voie juridique, mais voilà, ils sont peu nombreux et souvent ils le font après leur période de détention. Mais comme souvent les recours, et on a 4 ans pour les faire, mais c'est pas suffisamment nombreux en fait pour que c'est un poids suffisant. Pour, par exemple, cette histoire des rémunérations du taux horaire qui n'est pas appliqué, ça fait des années, ils ne sont pas assez nombreux pour que ce soit suffisamment désavantageux pour l'administration pénitentiaire. Même maintenant, ils font des demandes indemnitaires, il n'y a même plus besoin de faire des recours, l'administration paye, mais ils sont, voilà, c'est pas assez nombreux en fait pour que ça crée le mouvement, pour les imposer en fait, l'application du droit. Oui, parce que vous disiez que finalement, il y en avait beaucoup qui étaient prêts à travailler et très peu qui partaient à chaque fois. Sur quelle façon se fait la sélection? Je me demandais, est-ce qu'il y a justement des choses qui existent au sein dans le rapport avec entre les prisonniers eux-mêmes? Comment ça? Alors, ils ont le droit de faire la demande de travailler et ensuite s'examiner par une commission. En fait, quand on regarde concrètement, c'est, alors ça varie un peu. Quand c'est pour des entreprises privées, c'est les plus productifs donc c'est ce noyau qui va être pris. Après, il y a des intérêts. Alors c'est toujours pareil. On est toujours dans la confrontation entre les intérêts économiques et les intérêts de l'administration pénitentiaire. Il y a des détenus qui vont être classés pour les calmer, pour qu'il y ait un peu plus de calme, ou dans des récompenses, soit bon comportement, ou soit parce qu'ils ont filé des infos, etc. Ils vont pas mettre non plus certains profils, par exemple certaines catégories d'infractions, les mœurs, parce qu'ils savent que si un tel est affecté, il va y avoir de l'opposition des autres détenus, donc ça va troubler l'atelier, donc eux en général sont écartés. Ceux qui sont écartés aussi, c'est les plus longues peines quand ils sont en maison d'arrêt, en fait, encore. Soit parce qu'ils imaginent que possibilité d'évasion, etc. Les plus vindicatifs, c'est pareil, généralement sont écartés. Et on retrouve à peu près la même chose quand ils bossent pour le compte de l'administration pénitentiaire, avec là la possibilité, ils classent parfois des gens soit en fragilité psychologique ou pour les occuper, mais on est loin de critères qui sont basés sur les capacités de travail, quoi. Et surtout, les détenus ont le droit de demander un travail, mais ils n'ont pas le droit de demander un poste en particulier. Enfin, ils peuvent le faire, mais c'est pas pris en compte, en fait. Ils demandent pas, peuvent pas postuler à un tel ou un tel. Dans les textes, c'est censé, dans les faits, pas du tout. Et de toute façon, on est sur des travaux qui apportent à peu près aucune qualification. Majoritairement, il y a quelques types de travaux qui sont formateurs, mais là, c'est vraiment résiduel. Et donc, pour le coup, il n'y a ni besoin de compétences particulières. Et c'est aussi comme ça qu'ils justifient les types de production, en fait, qui apportent aucune qualification, en disant il faut que tout le monde puisse travailler. Et en général, dans les discours, on va mettre en avant la réinsertion, l'apprentissage d'un métier. Enfin non, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Est-ce que du coup il y a des formations en parallèle par rapport à ça, enfin, parce que justement réinsertion professionnelle, enfin, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui est proposé pour ensuite obtenir un emploi? Majoritairement, c'est complètement séparé, en fait. Il y a le régime du travail et le régime de la formation professionnelle, avec une chute des crédits continue là depuis des années. Il y a à peu près que 5% des détenus en formation. Et même les formations, elles sont pas forcément. En fait, c'est soit l'administration, soit des entreprises quand on est dans un système à gestion mixte. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une partie des fonctions qui sont déléguées à des entreprises, type Sodexo. Et là, en fait, leurs objectifs, ils sont quantitatifs, pas qualitatifs. Donc, les formations qui sont, ils vont prendre les premières formations qu'ils trouvent ou ceux qui sont prêts. C'est pas, il n'y a pas une recherche d'adéquation, en fait, avec les besoins des détenus, quoi. Oui, sur l'aspect formation. Moi, j'avais un co-détenu, il était complètement analphabète, illettré. L'administration carcérale n'était pas en mesure de lui donner une formation à l'écriture, et à la lecture. Donc il faut pas s'imaginer que tout le monde passe son bac en prison, quoi. Et pour le travail, c'est vraiment du petit bonheur la chance, quand on en a. Parce que tout le monde se jette dessus, parce que l'esprit de la prison, c'est de cantiner, c'est d'avoir un peu de pognon pour améliorer son quotidien, c'est pour payer la télé, parce que c'est pas gratuit. Ça, il faut pas non plus s'imaginer ces choses-là, quoi. Et donc, ouais, on nous force à avoir des tâches vraiment ingrates, quoi. C'est de l'asservissement, mais le plus total possible. Et quant aux réponses, on peut pas en avoir, parce que quand vous êtes détenu, vous pouvez pas avoir d'action collective. C'est quelque chose qui est interdit. On peut pas se regrouper en prison, sauf pendant la promenade. Et là, c'est plus des lieux d'échange de cam ou de téléphone portable qui existent. Mais le fait d'être détenu, c'est vraiment de ne plus vivre dans une collectivité. C'est d'être privé de ça, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est d'individualiser les gens complètement. Qu'ils soient le plus seuls possible. Dans le processus de détention. On ne veut pas qu'il y ait un esprit collectif. Le système carcéral est basé là-dessus. Vous n'avez pas le droit, par exemple, quand vous entendez bien avec un maton, vous n'avez pas le droit de lui tendre la main et de lui dire bonjour. Vous lui dites bonjour comme ça. Mais vous ne pouvez pas lui tendre la main. C'est interdit. Le milieu carcéral est vraiment fait pour individualiser les gens, les rendre encore plus solitaires qu'ils n'ont été. Parce qu'en général, quand on a fait un délit et qu'on est incarcéré, c'est parce qu'il y a eu une certaine solitude et qu'on s'est battu contre ça. Et le milieu carcéral vous invite à devenir encore plus individualiste, encore plus matérialiste. Donc l'échec, il est là, quoi. C'est que, enfin, moi je l'ai pas vécu parce que j'étais incarcéré et puis je m'en suis sorti, mais l'échec, c'est vraiment que les gens qui sont incarcérés, forcément ils retombent, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On leur propose rien. Faut arrêter de se leurrer sur dire que la prison, c'est un espace. Il y a certaines personnes qui pensent que la prison, c'est le Club Med, quoi. C'est faux. Faut arrêter de se mettre ça dans la tête, quoi. Tu veux réagir ? Non. Alors moi, j'ai une autre question. C'est par rapport à la situation que vous avez décrite. Est-ce que c'est une spécificité française ou c'est plutôt généralisé au moins en Europe ? Alors c'est plutôt généralisé, mais on est quand même une des plus les législations les plus archaïques d'Europe. Il y a d'autres systèmes un peu plus protecteurs au niveau sécurité sociale. Et il y a quelques systèmes, par exemple en Italie, il y a d'actions collectives qui sont reconnues au droit de grève, mais alors bon, c'est résiduel, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent rester en cellule. Le mouvement collectif, ça s'exprime, il reste en cellule, et là, ça pose pas de problème de sécurité. Mais et après c'est très variable, hein. Enfin, il y a des systèmes plus protecteurs, mais au niveau des rémunérations c'est encore moins, quoi. Enfin, je sais plus, en Angleterre on est à 1 ou 2 euros la journée, enfin bon, c'est des et en même temps il peut y avoir des protections meilleures, enfin c'est très variable, mais globalement non, toutes les législations sont à peu près, enfin en tout cas c'est dérogatoire dans tous les pays européens. D'autres questions? Donc vous avez parlé en fait du salariat d'une certaine manière. Est-ce que c'est possible d'être artiste ou de faire rentrer des matériaux et de revendre ou voir d'utiliser Internet et d'être auto-entrepreneur par exemple? Alors auto-entrepreneur théoriquement oui, dans les faits pas du tout. Enfin, c'est-à-dire il y a un cadre qui dit que les détenus peuvent travailler pour leur propre compte. Dans les faits il y a tellement d'obstacles que non, ça se passe pas. Internet hors de question. Internet, si, enfin, à la limite, ils ont accès avec, sur leur portable, quoi. Mais bon, de manière illégale. Ce qui est assez con, c'est qu'une majorité des détenus qui ont accès à Internet et que d'un point de vue institutionnel, ça paraît, ça leur paraît encore inimaginable, mais dans les faits, bon. Et même on voit des situations, les détenus essayent de préparer leur sortie, trouver un emploi, un hébergement, etc. par le biais des téléphones portables, quoi. Et parfois ça fonctionne mieux que par le système des travailleurs sociaux. J'ai oublié l'autre question. Les salariés. Ah oui. Non, il y a eu quelques cas, deux types. Qui était, ça peut paraître le bon exemple, mais bon, comme quoi c'est aussi possible, de types qui étaient rentrés analphabètes en détention et qui sont devenus des informaticiens de génie et qui arrivent à créer des programmes, etc. Mais alors ça a été une lutte pendant des années pour essayer de permettre en fait qu'ils puissent sortir leurs programmes. C'est des contrôles, même un ordinateur en détention, il est généralement pris, soumis à tout contrôle. Les détenus peuvent pas, même pas garder des documents, des correspondances avec leur avocat à l'intérieur, parce que tout ça est contrôlé, lu. Donc, techniquement, dans les faits, c'est quasiment impossible, quoi. Sauf ces cas-là, et avec des batailles et des soutiens, et voilà. Sinon, non. Et artistes. Pas parler dans le micro. J'étais un peu surpris par les salaires journaliers que j'entendais. Vous avez parlé de la postérité. J'étais un peu surpris donc par les salaires journaliers dont vous avez parlé. Vous êtes exprimé en brut, donc j'imagine qu'il y a des charges sociales effectuées. Et je voulais savoir, ça semble illusoire. Mais est-ce que ces charges donnaient des ouvertures de droits comme les retraites, une protection sociale ou... Ouais, mais même par exemple sur les retraites. Alors effectivement, c'est les mêmes cotisations que les mêmes taux de cotisation qu'à l'extérieur. Le problème, c'est comme tout le système des retraites, il est basé sur le SMIC. C'est en gros quelqu'un qui gagne le SMIC valide 4 trimestres chaque année s'il travaille toute l'année. Comme là, les rémunérations sont dérogatoires, en fait, à temps de travail égal, en gros, s'ils travaillent pour le compte de l'administration, ils vont un trimestre là où n'importe qui en aurait gagné 4. Donc, on a un système, voilà, qui est. Pour le reste, oui, c'est les mêmes cotisations, il n'y a que pour les charges patronales où il y a des taux moindres. Et quand ils travaillent pour le compte de l'administration, les charges salariales sont prises en charge par l'administration. Mais c'est des salaires, là on est sur des salaires moyens à 250 € par mois, quoi, pour un équivalent temps plein. Alors ça c'est en moyenne au service général. Ouais, service général à la tâche, après finalement, ça dépend. En moyenne, on est sur du 350 €, mais parce qu'il y a des variations selon les établissements, etc., quoi. Oui, on a le droit en sortant de prison à la location temporaire d'attente, mais je sais pas s'il faut avoir systématiquement travaillé, quoi. Non, je crois que c'est pour tous les détenus, ça. Le système, il est basé en fait sur tous les gens productifs doivent travailler. Et donc, il y a l'arrêt de tous les minima sociaux. Par exemple, même si la personne avait l'assurance chômage, au bout de 2 mois, c'est interrompu. Si elle avait RSA, c'est 60 jours. Enfin, tout est supprimé. Et sauf, en fait, c'est vraiment fait, ouais, pour tous les productifs. C'était la vieille idée, quoi. Parce que sinon, les personnes qui sont à la retraite peuvent toucher l'intégralité de leur pension de retraite, et les personnes qui ont une allocation handicapée la touchent pleinement aussi. Parce que de toute façon, elles n'étaient pas productives. Et il y a un vieux système comme ça qui est censé inciter, alors qu'ils ne sont pas en capacité, pour le coup, en plus, de filer du travail à tout le monde. D'autres questions ? Moi, je me demandais juste sur les modalités de recours. Est-ce qu'on peut imaginer un prisonnier qui travaille et qui va au prud'homme ? Il y a eu un cas. C'est une détenue à la maison d'arrêt de Versailles qui bossait dans un centre d'appel. Parce que alors ça, ces dernières années, c'était développé, c'est des plateformes, centres d'appel. Là, ce qui avait facilité aussi la saisine des prud'hommes, c'était que pour une fois, c'était un travail qui existait globalement à l'extérieur. Et donc, elle a gagné en première instance. Après, juridiquement, c'était quand même extrêmement bancal. Et à partir du moment, ce qui fonde la compétence des prud'hommes, c'est le contrat de travail. À partir du moment où on a une disposition maintenant et en plus validée par le Conseil constitutionnel qui met en avant qu'il n'y a pas de contrat de travail, la voie est bouchée. Et avant, ce qui avait été essayé, c'était de mettre en évidence la relation de subordination d'une personne extérieure. Enfin bon, voilà, ça a été le cas, mais ça n'a pas. Première instance, c'est requalifié en contrat de travail, lui sont donné des indemnités, etc. En appel, ça a été revu. Et c'est une voie qui est maintenant avec cette décision du Conseil constitutionnel qui est globalement bouchée. On ne pourra pas. Quelqu'un ? Sinon, autre sujet, le syndicalisme en prison, ça existe ou pas ? Bah, pour le personnel, ouais. Et il est assez puissant pour le personnel, très puissant. Mais pour détenus, non, aucune forme, rien leur est reconnu. Même, enfin, ce que je disais tout à l'heure, même une lettre de revendication, une pétition signée en commun, s'ils mettent leur nom, ils s'exposent tous à des sanctions disciplinaires. Donc ils le font. Hein. Enfin, il y en a qui le font, qu'on voit à la presse, etc. Mais passible de sanctions. Généralement, on tombe sur ceux qui vont être considérés comme les leaders pour casser le mouvement et voilà. Le défenseur des droits, il a une quelconque utilité Non, alors pas là-dessus. Après, il y a une autre instance, c'est le contrôle général des lieux de privation de liberté. C'est une autorité administrative indépendante. Ils ont des possibilités, enfin, droits de visite à tout moment, mais ils ont fait des recommandations, enfin, comme ils sont prononcés aussi pour l'application du droit. Après, le blocage, il est tel que ça prend pas. Même l'actuel garde des Sceaux. Avant se prononcer pour le contrat de travail en prison, il n'empêche que maintenant qu'il est garde des Sceaux, je pense pas qu'on l'entendra là-dessus, quoi. Et alors l'argument qui est généralement avancé, c'est que si on améliore les conditions de travail, il y aura une fuite des entreprises, donc il y aura moins de travail en prison. Et c'est pour ça que je rappelais aussi qu'au 19e siècle, c'était autre chose. C'était les principes de libre concurrence qui faisaient qu'il devait y avoir les mêmes droits à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, cette logique-là, elle est complètement abandonnée, mais elle est aussi abandonnée parce que les travaux qui sont donnés ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur. Et on aura. Et quand il y a eu les centres d'appel, on a pu voir des syndicats extérieurs gueuler sur le fait que ça se développe parce que ça va leur prendre le marché, il y aura moins de. Maintenant ça se pose comme ça. Après, il y a l'administration pénitentiaire non plus qui veut pas d'un encadrement parce que c'est un véritable outil de la gestion de la détention. Si on encadre, les procédures de classement vont être basées sur d'autres critères, ce qui va pas les arranger. Pour l'instant, ils ont une souplesse incroyable. C'est vraiment la carotte et le bâton. Donc si on leur enlève ce truc-là. Et l'autre argument qu'ils invoquent, c'est que un détenu en situation de contrainte ne peut pas contracter. Ne peut pas consentir librement. Donc il ne peut pas signer un contrat de travail. Par contre, ça ne les dérange pas d'imposer des contrats unilatéraux. Enfin, bon, voilà. Je voulais demander, bon, la situation est assez catastrophique, et d'un point de vue historique, est-ce que c'est ce catastrophique est mieux qu'avant, quand même ? Ou est-ce que c'était encore pire avant ? Est-ce qu'il y a eu une amélioration de façon... En fait, non, c'est ce que je rappelais avant. Au 19e, c'était mieux. Enfin, en tout cas, au niveau des droits, c'était finalement mieux qu'aujourd'hui. Mieux qu'aujourd'hui parce qu'avec les principes donc, de libre concurrence, il fallait que les travailleurs détenus aient les mêmes salaires que les ouvriers libres. Bon, après, il y avait des entrepreneurs qui essayaient voilà, d'avoir une main-d'œuvre au plus bas coût. Ils prélevaient une partie des fonds pour les frais d'entretien, etc. Mais en termes de droit, on était dans une. Il y avait moins de décrochage, en fait, milieu libre, milieu carcéral. On était sur une logique où ça devait être globalement les mêmes droits. Et pourtant, le travail était obligatoire et faisait partie de la peine. C'est en 87, on change la fonction du travail qui est censée non plus être afflictif, c'est censé être un droit et être un levier d'insertion. Mais en termes de droit, on ne change rien. On a juste décrété que, enfin, ce qu'avant faisait partie de la peine et ensuite devait être un bénéfice, un droit. Finalement, on a gardé le même régime juridique et avec même ce décrochage, parce qu'entre-temps, entre-temps, les conditions de travail à l'extérieur sont améliorées. Il y a eu le syndicalisme, il n'a pas eu lieu en prison, donc il y a eu ce décrochage. Il y avait tous les détenus devaient travailler et travaillaient, sauf incapacité. Il faut savoir aussi que quand vous faites la demande de travailler, vous le faites au greffe de la prison, et on vous fait avaler des queues de cerises en vous disant que vous allez gagner quelques jours de détention en étant inscrit forcément en travaillant, mais déjà d'avoir fait la démarche de vous inscrire pour travailler. C'est un peu le miroir aux alouettes, quoi. Vous donne c'est vraiment ouais, le bâton et la carotte, comme tu disais, quoi. C'est le système de réduction de peine, en fait. Les personnes qui alors en général c'est une activité, mais souvent c'est le travail. S'ils accèdent à un travail, il y aura la possibilité d'avoir des réductions de peine, donc des jours de détention en moins. C'est aussi un des moyens pour faire accepter les conditions de travail aux personnes incarcérées et qui font que, voilà, ils ont. Mais il y a ça, il y a le fait d'avoir une source de revenus, de pouvoir améliorer l'ordinaire, de ne pas être soumis aux autres. Enfin, l'argent est nécessaire aussi pour ça. Et donc voilà, il y a tout ce système. Et donc, généralement, c'est vécu comme vraiment comme une exploitation, enfin, par les personnes incarcérées. Et malgré tout, elles en ont besoin, donc elles seront toujours. Il y aura toujours une masse pour faire la demande. C'est vrai, la réduction de peine, quoi. Ouais. Sur l'argent que vous touchez, même les mandats que votre famille peut vous envoyer, vous n'en voyez jamais la couleur. Tout ça est centralisé par une espèce de banque interne de la prison, et vous avez un compte, en fait. Et vous dépensez tant par semaine, parce qu'il faut cantiner, il faut acheter du tabac, il faut acheter de la bouffe, il faut payer la télé, par exemple, comme je disais. Mais tout l'argent qui circule, en fait, il est vraiment virtuel, quoi. Ça, vous n'en voyez pas la couleur, quoi. Il y a vraiment pas de. Enfin, si, il y a de la monnaie qui circule, mais là, c'est illégal. Mais le fait, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de monnaie, quoi. Tout est contrôlé par l'administration, quoi. Sur les salaires, sur les rémunérations, en fait, tout n'est pas disponible pour les détenus. Il y a une proportion qui part à l'indemnisation des parties civiles. En fait, mais qui est partie. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y ait partie civile ou pas. Même s'il n'y a pas encore de partie civile, les sommes sont prélevées et sont capitalisées ailleurs, sont mises sur un compte. Et il y a une autre part, 10%, qui est bloquée pour la sortie. Et l'indemnisation partie civile, en fait, ça dépend des sommes reçues. C'est des tranches, enfin, c'est 20%, enfin, selon. Oui, non, c'est vrai que. Ça ouvre droit à des réductions de peine supplémentaires. Mais alors, dans un système qui est pareil, pas encadré, en fait, c'est les juges d'application des peines qui l'accordent. Et ils peuvent. C'est 3 mois maximum par an. Mais il y a plein d'autres choses qui sont prises en compte. Il y a le comportement en détention. Puis chaque juge a à peu près son système d'attribution, quoi. Une autre question ? Juste pour savoir si les conditions de travail étaient variables entre hommes et femmes, c'est-à-dire que si, par exemple, les femmes étaient plus précarisées comme dans le monde extérieur ou pas, ou s'il y avait des différences de salaire ou... Alors, pas au niveau des salaires, mais les femmes, donc elles sont très peu nombreuses en détention, c'est 3% de la population carcérale. Du coup, en fait, c'est généralement des quartiers femmes au sein d'établissements pénitentiaires globaux pour hommes. Et donc, c'est des petites structures. Donc, il y a moins d'espace pour le travail, il y a moins d'espace pour la formation, il y a moins de tout. Donc, elles ont moins d'activités, moins de travail, moins de... Enfin, voilà. Et elles sont généralement aussi plus éloignées de leur lieu de vie, enfin, le lieu de vie de leur famille. Donc, dans les faits, oui, elles travaillent moins. Au niveau des rémunérations, non, c'est la même chose. Les droits sont la même chose, mais elles sont dans des situations plus défavorables. Comme les prévenus aussi, généralement sont moins. Elles sont moins nombreuses et les structures font que c'est. Mais même pour accéder aux soins, généralement l'unité sanitaire, elle est dans la partie homme. Et pour pouvoir s'y rendre, il faut qu'elle soit accompagnée donc par des surveillantes et qu'elle croise jamais d'hommes. Donc en fait, on est obligé de bouger, enfin dans tous les mouvements. Et donc c'est des créneaux bien plus restreints, enfin. Ouais, les conditions de détention sont bien plus dures en fait, mais pour ces faits-là, quoi. Quelqu'un d'autre a une question ? Ouais, c'était juste pour savoir. Tu disais que le salaire il était diminué drastiquement sur 60 ans, je sais plus, un truc dans le genre. C'est quoi les justifications à ça ? Pourquoi, en fait ? Les arguments, concrètement, les arguments qui ont été mis en avant. Je vais avoir du mal à les trouver. Généralement ils mettent en avant que les détenus sont moins productifs qu'à l'extérieur, qu'il y a des contraintes de sécurité, donc les productions sont moins poussées. Mais la vraie justification, c'est que ni l'administration ni les entreprises ne veulent qu'ils soient payés au SMIC. Et donc c'est mettre en avant que s'ils gagnent plus, il y aura moins d'entreprises, donc plus de travail en prison. Donc voilà. Donc c'est une situation défavorable. Après, d'un point de vue de l'équité, il n'y a rien. Enfin, surtout que c'est plus un accessoire de la peine. C'est censé être le même système. Une punition à la base, sauf que depuis 87, c'est plus censé être une punition. On garde le même régime et on n'arrive pas à le remonter, à recoller, quoi. Donc maintenant, la justification, c'est ça va être défavorable aux personnes incarcérées parce qu'ils ne pourront plus travailler. Voilà. Je voulais savoir si toute entreprise peut demander... les travaux sont effectués par des prisonniers pour en casser le prix, l'entreprise quelconque, on va dire. Ou alors non, ça appartient toujours à des gros groupes dont je donnerais bien l'angle comme Vinex, qui ne fait plus, je crois, mais qui faisait que du matériel de bricolage fabriqué par les prisonniers, quoi. Juste pour rebondir avant, parce que donc ils prennent la justification des entreprises, mais quand ils travaillent pour le compte de l'administration pénitentiaire, c'est eux qui ont les leviers. Donc il n'y a aucune justification à ce que le droit commun ne s'applique pas. Et pourtant, c'est les plus mal payés. Enfin, ce que je disais, les autres, c'est 45 normalement, SMIC horaire brut. Quand c'est pour l'administration, ça va de 20 à 33. Et donc là, ils se font une manne incroyable, en fait, sur le dos des détenus. Si c'était... Et les tâches qu'ils effectuent, c'est des tâches classiques. Ça peut être la cuisine, livrer les repas, etc. Enfin, bon. Donc la justification, elle est extrêmement bancale, elle tient pas. Les entreprises, oui, n'importe quelle entreprise, c'est des contrats de concession. La réalité, c'est que c'est tout un jeu de sous-traitance. Et donc c'est des petites boîtes qui font des productions pour des très grands groupes. Et souvent, ces très grands groupes ont dans leur charte éthique qu'ils ne feront jamais produire en détention sans expliquer si c'est parce que le fait que ce soit fait par des détenus sont infamants ou si c'est les conditions de travail qui sont infamantes. Mais dans tous les cas, c'est souvent pour le compte de gros, gros groupes qui vont mettre en avant qu'ils ne savaient pas. Il y a quelqu'un ici qui est en prison ? Même à l'œil, je le faisais. Même gratuit, je le fais. Pour passer le temps. Voilà. C'était un bon passe-temps pour vider l'esprit. Voilà. Alors, qui me payait 3 euros ou 10 euros. Voilà, c'est tout. C'est pas plus mal qu'on fasse ça. Pendant ce temps-là, on se distrait le cerveau. Je dis, on se distrait le cerveau pendant qu'on travaille. Même si t'es mal payé, ça te distrait. Hein? Moi, j'étais à Fleury-Mérogis. Toi aussi? Toi aussi, t'étais à Fleury? Hein? Non, je connais pas. Je connais Fleury-Mérogis. Je veux dire, même s'ils nous payaient pas beaucoup, j'étais content d'aller travailler. Parce qu'au moins, ça me changeait les idées. Heureusement qu'ils sont là, sinon on devient fou en prison. 24, 23 heures en prison, sans rien faire. Tu deviens fou. Heureusement qu'ils sont là. Ouais, je pars du principe que c'est quand même un système de détention et de punition. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes droits, mais on peut partir du principe que déjà on est puni. Et non, à partir, je suis d'accord avec le fait que c'est pas les mêmes droits qu'une personne qui soit à l'extérieur, une personne à l'intérieur, mais il faut aussi se dire que la personne, je sais pas ce qu'elle a fait, mais si elle est là-bas, c'est qu'elle a été punie et du coup, elle n'a pas les mêmes droits. C'est qu'il y a du privatif en prison. Et on l'a, enfin, moi, de tout ce que j'écoute, on est en train de dire le privatif. Mais dans ce cas-là, on va juste mettre des gens dans un. À l'intérieur, en fait, on va juste les empêcher de sortir, mais avoir les mêmes. C'est plus punitif. Après, c'est peut-être la punition qui est trop lourde, mais en fait, je trouve ça normal de. Si on est en prison, on est en prison, en fait. On est en prison pour un fait, je sais pas pour quelle raison, mais on y est. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je trouve ça. Oui, pardon. Excusez-moi, je vous conteste tous les deux. D'abord, l'honneur humain. Je suis contre le système prison, mais la logique. On n'a pas payé pour les esclaves. Mon ami, ils n'ont pas rigolé. Écoutez, on discute, on est dans une procédure démocratique, on discute. Alors, quand on a amené les prisonniers en Néo-Calédonie, ailleurs comme Porcelain, c'est célèbre dans le misérable Jean Berjan, on n'a pas payé pour eux. Alors, dans la société moderne, on ne paye pas pour les stagiaires. Et pour les salariés, un salaire de famine. Finalement, il y a une logique entre le système économique, ce qu'il garde, et le système politique. C'est quoi la prison? On sait très bien. Si on applique toutes les lois qui sont dans la Constitution, 75% les gens qui dirigent ce système actuel doivent passer dans la prison. À partir de M. Chirac jusqu'à Nicolas Sarkozy, à partir de Hollande jusqu'à les gens du service secret, parce qu'ils sont tous criminels. Ça, on sait très bien. Mais on retourne. Si les gens, ils travaillent dans n'importe quelle condition, soit en prison, soit dans l'usine, ils font une production. C'est pas un secret, il travaille pour quelle société, ça c'est pas difficile, on peut trouver qu'il travaille pour qui. Finalement, la grande majorité des gens, ils travaillent pour les grandes multinationales, mais ça change rien. Un prisonnier qui travaille dans la prison française, ça change rien. Un salarié qui travaille à Bangladesh pour Naf ou je ne sais pas, pour sergent-major ou une autre société. Finalement, on a créé le base sur le profit. Voilà, on profite sur les deuxièmes prisonniers, on profite sur les jeunes, on donne le stage, on envoie au stage, 6 mois ils travaillent, l'année prochaine il y a le nouveau stagiaire, on ne paye rien. Voilà, c'est tout à fait antidémocratique. Si quelqu'un il travaille, il faut payer correctement. Soit un prisonnier, soit il n'est pas un prisonnier. Finalement, grande majorité, c'est prisonnier de la multinationale. Il faut accepter ça. Deuxième chose, si on est prisonnier, il faut appliquer les lois de la charte humaine. Il faut respecter leur situation dans les prisons, on ne respecte pas. On dit voilà, vous travaillez comme un forçat, on vous donne une petite pécune, c'est tout. C'est pas normal, c'est antidémocratique. Je te laisse répondre. On avait juste qui disait qu'après tout, c'était pas plus mal de travailler même dans de telles conditions. Voilà, ouais. Et deuxièmement, au final, ils sont prisonniers, c'est une forme de punition. Ils doivent... je te le donne à toi. Bah, effectivement, le fait de travailler, c'est un moyen de sortir de sa cellule et d'avoir un peu de lien social. Parce que vous êtes emmené par une ribambelle de matons à l'atelier et vous vous regroupez et vous commencez à discuter avec d'autres détenus. Sur le fait qu'on soit puni, effectivement, on est puni parce qu'on a fait un délit ou un crime. Mais le travail, c'est une double peine, en fait. Parce qu'on... Quelque part, on vous force à travailler, à faire des tâches plus ou moins ingrates, qui sont vraiment asservissantes, c'est de l'esclavage. Et à côté de ça, bah, on vous donne rien, quoi. On vous donne un salaire de misère qui correspond juste à améliorer l'ordinaire, le quotidien. Et en fait, on vous force aussi à améliorer le quotidien. Parce que vous êtes dans une situation où vous êtes privé de tout. Même de la bouffe. Il faut savoir qu'en prison, on bouffe mal, très mal. Donc vous cantinez pour acheter des boîtes de cassoulet, des boîtes de couscous, des fruits et des légumes frais, parce que ça, vous n'y avez plus accès. Si vous voulez un steak ou un poulet rôti le dimanche, il faut de l'argent. Et donc forcément, on vous force à travailler, on vous force à être exploité. Et ce sont quand même des grands groupes. Moi, je vais en citer un, c'est Chris, ceux qui fabriquent des lunettes, qui exploitent ces gens-là. Sans aucune considération, ils en ont rien à foutre. Au contraire, ils servent de nous. Ils servent des détenus. C'est de la main-d'œuvre à bas coût. C'est encore moins cher qu'en Bulgarie ou en Roumanie. Donc, ils en profitent bien, quoi. Le problème, il est là, quoi. Il faudrait interdire à ces multinationales d'exploiter les gens en prison. Après, juste sur l'aspect punitif ou pas, c'est ce que je rappelais, en fait, pour le législateur, il n'est plus censé avoir un aspect punitif. Normalement, la prison, c'est la privation de liberté, rien d'autre. Alors, c'est la phrase classique. Dans les faits, c'est absolument pas ça. Mais au niveau juridique, c'est ça l'idée. Et donc, il n'est plus du tout censé. Mais après, c'est ce paradoxe pénitentiaire. C'est à la fois on isole, on retire de la société des gens, on les prive de tous les droits. Et puis après, on vient dire que c'est un instrument de réinsertion. Voilà, il y a un souci. Mais et donc, le travail, il n'est plus censé avoir cette dimension-là. Donc après, soit on lui colle le régime juridique qu'il faut, soit on en refait un instrument punitif. Mais là, après, il y a plein d'autres questions sur l'aspect punitif et les vertus ou non que ça a. Pas vraiment de vertus, quoi. En fait, dans mon idée, c'est qu'on dit qu'on veut réinsérer les gens, mais on les punit, en fait. Alors que soit normalement on punit, soit on réinsère. Et aujourd'hui, on punit et on dit qu'on réinsère ou on réinsère pas. Mais quoi qu'il arrive, je pars du principe que... Il y a une privation de droit et c'est l'idée, c'est sinon on se rend pas compte en fait. C'est comme si une personne, on va lui dire bon typiquement tu travailles et tu travailles et tu rentres chez toi, c'est ça la prison. Donc il y a un aspect privation de droit, et il y a un aspect aussi profit. Ils sont payés je veux dire, comme des sous-merdes, mais c'est du travail, mais en fait c'est comme le bagne en fait. Mais comme le jeune homme il disait, ça permettait aussi de libérer l'esprit. Donc la vraie idée, c'est comment faire pour réinsérer les personnes tout en leur permettant de se libérer l'esprit et de travailler, et tout en se réinsérant. S'il s'agit de libérer l'esprit ou faire prendre conscience de certaines choses, il y a bien d'autres types d'activités qui seraient bien plus profitables. C'est là, si c'est vraiment sentir la dimension que je suis pas traitée comme les autres, que je travaille, que j'ai pas les mêmes droits, et qu'on est sur un truc, bah ouais, ça fait sortir de cellule. Ouais, ça fait sortir de cellule, ouais, d'accord. Mais on peut créer plein d'autres choses, quoi. Vraiment plein d'autres choses plus intéressantes que ça. Et surtout qu'en général, c'est plutôt pour la majorité des gens, même s'ils sortent de cellule et qu'il y a ce côté-là. C'est le sentiment d'exploitation, ça accroît le sentiment de colère, de haine, et souvent on a des gens qui n'ont jamais travaillé, et le premier contact avec le travail, c'est ça, quoi. Moi, j'aimerais juste dire aussi que y a le travail, et le travail est encadré de manière globale. Il y a des lois qui sont censées s'appliquer, et qui sont censées s'appliquer même en prison. Quand on voit qu'un droit constitutionnel comme le droit de grève ou de syndicalisation, ou même le droit de revendication sont absolument inexistants en prison, là, il y a un problème. C'est des prisonniers, mais ils ont quand même des droits qui sont censés être inaliénables. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire, il y a des droits qui sont inaliénables, mais il ne faut pas oublier que c'est qu'à partir du moment où tu es détenu, on te prive. En fait, c'est une privation de droits. Donc, de liberté. Donc, on n'a pas la liberté d'avoir le droit. Mais la liberté de dire, par exemple, si vous... Oui, liberté de mouvement, mais même cette liberté de mouvement, elle crée d'autres empêchements. Typiquement, la liberté de mouvement peut créer des problèmes au niveau de l'emploi, typiquement. Et donc forcément, il y a une adaptation qui est mise en place. Mais on ne peut pas en fait recréer le monde en prison tel qu'il existe à l'extérieur. Donc forcément, en fait, c'est le modèle de punition qui est mauvais. Mais on ne peut pas aussi dire on va essayer de prendre la prison et la faire telle qu'elle est à l'extérieur, telle que le monde extérieur est, en fait. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait des problèmes en prison, mais parce qu'on empêche, en fait. Et c'est peut-être le modèle de punition qui est mauvais. Mais la prison, c'est la prison. Elle est comme ça et on ne pourra jamais bouger. C'est peut-être le modèle tel qu'il est fait maintenant, d'enfermer les gens pour soi-disant les réinsérer. Donc on les met à l'extérieur pour les réinsérer. C'est une mauvaise chose. On ne peut pas réinsérer quelqu'un tout en le mettant à l'extérieur de la société. C'est le système de punition qui est mauvais. Il n'y a pas de réinsertion avec la prison. Mais telle qu'elle existe, elle existera comme ça, elle sera toujours comme ça, c'est la prison. On nous empêche, et ben on est empêché. Tout comme vous disiez, on ne va pas essayer de payer une personne au même prix, le SMIC par exemple, pour travailler. Non, justement, c'est une privation et ça va être une libération pour elle, et ça peut être aussi un profit pour une entreprise, tant mieux, mais c'est aussi, il y a un côté aussi punitif et aussi peut-être aussi de réinsertion. Oui, bonjour, désolé d'interrompre un petit peu le débat, c'est juste pour prévenir que l'Assemblée va se tenir là. Qu'on est censé tous discuter entre commissions et gens qui viennent sur la place, des questions de l'Assemblée, qu'est-ce que l'Assemblée, pourquoi on vote, comment on s'organise, etc., à quoi ça sert, toutes ces questions-là. Donc on a distribué des tracts, j'espère que ça a été... Non, ça n'a pas été bien distribué, c'est toujours des problèmes de diffusion. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu des questions, je pense, qui préoccupent un peu tout le monde sur cette place-là. Donc ce serait bien que vous, les gens des commissions, vous puissiez venir alimenter un petit peu le débat. Donc ça commence maintenant. Voilà, merci. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dernière question et ensuite sur tout ce qui a été dit, on va venant répondre et éventuellement conclure. Bref, par contre, s'il te plaît. Oui, je sais, mais bref. Alors en fait, c'est pas une question, je voulais faire un commentaire. J'étais très intéressé par le monsieur qui était en tôle tout à l'heure quand il disait que finalement, même gratuitement, il aurait fait un travail parce que... Alors comme je dois être rapide, je vais essayer d'être concis, c'est que souvent je fais des formations sur les questions rapport santé mental travail et j'ai toujours une difficulté avec les salariés, on va dire ordinaires, qui vont te dire oui, mais moi je travaille uniquement pour mon salaire. Alors qu'en réalité, on sait que travailler, alors ça, les modalités du travail peuvent te rendre malade. Par exemple, là, on voit que c'est instrumentalisé dans les prisons, c'est instrumentalisé dans les entreprises avec une organisation du travail. Mais en réalité, la question d'avoir accès au travail, c'est-à-dire de pouvoir travailler, ça conditionne le fait que tu aies une bonne santé mentale ou pas, parce que c'est la seule chose qui nous permet de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire garder contact avec le monde tel qu'il est. Par exemple, si je m'occupe d'enfants, ben les enfants, ils sont comme ils sont, donc je dois garder les pieds sur terre et travailler avec eux et pas travailler comme je crois que c'est dans ma tête. Donc je trouvais que ce témoignage, pour moi, il était très important de se rendre compte que, attention, le travail, ça conditionne la bonne santé mentale ou pas. Donc j'avais pas de questions précises là-dessus. En plus, après, j'étais un peu déçu que vous alliez dans un hors-sujet sur des trucs mondialisés. Donc, j'ai dit, on pourrait passer à la suite. Donc, je crois que monsieur voulait réagir là-dessus. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il pense là-dessus. Si on définit le travail c'est à sa racine, c'est une forme d'esclavage déjà. Hein. Mais je voulais réagir sur la réinsertion ou l'insertion des détenus. C'est pas les services pénitentiaires qui s'occupent de ça. C'est ce qu'on appelle le SPIP, service de probation et d'insertion. Et quand vous êtes détenu, vous avez du mal à les voir, ces gens-là. Tout est fait pour que vous ne les voyez pas. Parce qu'ils peuvent aménager vos peines. Ils peuvent décider, selon leur bonne humeur, qu'ils vont réduire de 4 ou 5 jours, quand vous êtes en peine courte, votre peine. Mais le problème, c'est que tout est fait pour ne pas les rencontrer. Comme tout est fait pour ne pas rencontrer les médecins des prisons. C'est vraiment... plus qu'une privation de liberté, de mouvement, c'est une privation de droit. Vous n'avez plus accès à la santé, vous n'avez plus accès à l'éducation. On vous prive de tous les droits fondamentaux qui sont inscrits dans une constitution, qui a été écrite en 58, elle est un peu vieille. C'est pas le sujet, mais faut vraiment connaître. Je pense que... Pour faire en sorte que vous soyez vraiment asservi. Que c'est la double peine. Vous êtes incarcéré parce que vous avez fait une faute, un délit, un crime, mais on vous fait payer deux ou trois fois. On va juste laisser la parole encore parler et ensuite... merci. En fait, je voulais juste dire qu'il y a une confusion quand on parle de travail et quand on parle de se ressourcer à l'esprit. C'est pas du tout la même chose, en fait. Quand on travaille, eh ben, c'est pour gagner de l'argent parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin d'acheter des trucs pour manger, parce qu'en prison, effectivement, les conditions d'enfermement et la nourriture qui est servie, c'est de la merde. Donc, on est obligé de, pour les gens qui fument, d'acheter des clopes, d'acheter des produits frais pour maintenir un minimum de santé, etc. De quoi se laver, parce que maintenant il n'y a plus de kit hygiène qui est distribué, ou enfin voilà quoi, avec très peu de choses. Donc quand on travaille, c'est parce que c'est un besoin, parce qu'on n'a pas le choix, comme tout le monde, de gagner de l'argent. Et donc le travail en prison, oui, c'est l'exploitation, les gens ils sont sous-payés, voilà, enfin voilà, il n'y a pas de. Les gens n'ont pas de salariés, etc. Après, quand on parle de s'occuper l'esprit, ça c'est un autre problème, effectivement, en prison. Et eh ben, il n'y a pas d'accès à la culture, il n'y a pas d'accès à rien du tout, aux activités, à l'école, c'est minimal, quoi, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, ça, c'est deux problèmes différents, mais on ne peut pas mélanger les choses. Je comprends bien que les gens qui sont en prison, ils cherchent peut-être à travailler pour s'occuper l'esprit, etc. Mais quand on travaille, on produit de la valeur, on produit, le fruit de notre travail va produire un bénéfice pour l'entreprise qui vous exploite, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc faudrait juste resituer un petit peu les choses. Et ensuite, deuxième chose, quand on parle de prison, alors une personne qui défendait la prison, c'est C'est la punition, on parle de punition, de réinsertion, etc. Il faut juste situer un petit peu la chose, à quoi sert la prison, etc. La prison, en gros, elle est fondée sur la justice. La justice, en fait, qu'est-ce qu'elle défend? Elle défend la propriété privée, elle défend le système capitaliste. Et que du coup, quand on vole, par exemple, qui se retrouve en prison, c'est essentiellement des pauvres, c'est pas effectivement les grands chefs d'entreprise, c'est pas les politiciens, c'est pas etc. Donc à quoi sert la prison? Enfin, tu vois, est-ce que il faut punir qui, quoi, pourquoi? Non, en fait, la prison, elle fait que maintenir cet état de droit, mais le droit, c'est le droit des riches, le droit des puissants, et voilà. Après, juste pour répondre à une deuxième chose que tu disais également. Bon, ça c'était pour parler de la prison, comme quoi, enfin voilà, prison c'est de la merde, enfin bref. Et deuxième chose, c'est que je m'embrouille un peu, mais donc tu parles de quand on est en prison, c'est une punition. Et la personne qui a commis un délit, tu dis, elle doit subir une punition. Mais donc alors sous prétexte qu'on commet un délit, là tu mets une touche morale. Après, je sais pas si les gens qui sont en prison tu peux les juger moralement ou pas d'avoir commis un crime ou pas, ou un délit ou pas, parce que pour moi, la justice, elle condamne aussi selon, comme je t'ai dit, pour la défense de la propriété privée et des riches, bref. Et donc, si on est sur un truc de moralité, en gros, ça veut dire quoi? Qu'il y a des êtres humains qui doivent être traités comme de la merde, qui doivent être traités comme moins que rien? Est-ce qu'il y a des gens qui méritent d'être torturés? Est-ce qu'il y a des gens qui méritent de vivre enfermés entre quatre murs? Enfin, je veux dire, si... autant les tuer directement. La peine de mort, d'ailleurs, en fait, finalement, elle a été abolie en 81 et elle a été remplacée. Bon, peu importe, elle a été remplacée par des peines à chaque fois de plus en plus longues. Mais finalement, la prison, c'est ça aussi, c'est comment tuer quelqu'un à petit feu, etc. Parce que les gens qui se retrouvent en prison sans rien, sans santé, sans droit, sans accès à rien du tout, bah ils finissent par crever par des petites maladies, ou alors ils finissent parce qu'ils ne trouvent plus les moyens de sortir, enfin bref, et parce qu'on leur a tout enlevé en prison et qu'ils ressortent et qu'ils ont plus les forces et les moyens de réémerger dans une société où il faut de l'argent pour se loger, pour se nourrir, pour voilà quoi. Merci. On a dépassé le. Non, je suis désolé. Mais vous pouvez continuer à discuter. Non, mais vous pouvez vraiment continuer à discuter. Mais là, on a dépassé l'heure, donc je propose qu'on fasse une conclusion avec l'intervenant. Petite conclusion, notamment sur le côté émancipateur du travail en prison. Je pense qu'on peut y revenir. Et on va s'arrêter là. On va arranger. Et je referai un petit message pour la commission après. Attends. Merci. À toi. Je vais être très brève parce que je sens que les débats veulent continuer après. Je sais pas, c'est vraiment cette approche, pour appuyer, si c'est effectivement que travailler dans ces conditions-là, que c'est pour sortir de cellule, que ça préserverait la santé mentale, etc. Pour moi, tout ça, ça ne montre que la pauvreté, enfin de la manière dont on pense en fait aussi le temps de détention. Enfin, il y a plein d'autres manières, en tout cas même si normalement les détenus sont pas censés rester 23 heures sur 24 en cellule, ça pourrait être tout à fait autrement avec toute une série d'activités qui seraient bien plus valorisantes et émancipatrices que ces conditions de travail là. Après, l'autre approche, c'est à partir du moment où, et encore une fois, le législateur donne au travail en prison. C'est plus un aspect punitif, c'est censé être un droit. Aucune raison qu'il y ait des distinctions en termes de droit. Quelles sont les justifications? Même si les justifications, c'est que ça va faire baisser le travail, le taux de travail en prison, on n'a pas du tout, enfin, certains si quand même, mais on n'a pas forcément les mêmes modes de raisonnement à l'extérieur. C'est comme si aujourd'hui, parce qu'il y a du chômage, donc on enterre complètement le code du travail et que ce type de logique était accepté par tous, je pense pas. Donc on continue à chaque fois de raisonner différemment quand c'est le milieu libre et la prison. Voilà, à nos yeux, ça n'a pas lieu. Je sais pas. Merci beaucoup. Donc c'était le droit du travail en prison. Donc débat passionnant que vous pouvez poursuivre. On va juste ranger le matériel. À ce sujet, donc c'est la commission EducPop. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Il y a là une boîte à questions aussi qui est juste sur la table là. Donc si vous avez une petite question, vous pouvez l'écrire et la poster dans la boîte. Il y a une boîte à dons aussi, je sais pas à quoi ça sert, mais elle est là. Et merci à tous, merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Et donc c'est la dernière intervention d'aujourd'hui et donc on revient mercredi à partir de 15h exceptionnellement puisque cette fois-ci on finira pas à 18h mais à 19h. Voilà. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés par l'éducation populaire et qui veulent faire partie de l'organisation, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Et également, je vous rappelle que l'éducation populaire, donc tout le monde peut intervenir, comme là c'était le cas. Donc si vous avez un sujet dont vous voulez parler, n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. On essaie de donner la parole à tous. Merci. Effectivement, c'est rarement les plus démunis qui vont se retrouver au moins dans un premier temps dans l'avant-garde de la lutte. Et donc, on est obligé de soutenir des gens qui sont en quelque sorte des puissants qui, à leur façon, participent du système puisque ils peuvent pas être complètement hors pouvoir. Voilà. Donc, il y a la question.